Vous êtes plongé dans le mix de Ludovic. C'est maintenant. Veste noire, caisse noire, haut noir, four noir, tige de bleu. Et du shit magique dans un cathmatique. Hein? Astique, astique, et je te paye un bonnet de plus en plastique. Et reviens me faire El Jefe quand tu auras la théorie et la pratique. Que tu shoot star, j'ai ma Nikki pour monter sur des 2T, faut la Libby. Airbnb, 30 avant midi, c'est mieux qu'être une star du R&B. J't'aime bien, mais tant pis. Tu fais le choix, on fait le choix, assume. On revient pas sur ce qu'on dit. Lundi, lundi, midi, minuit, y'a le menu, hey. Virement, play safe. C'est jamais la cata, j'avais déjà le sourire quand j'étais en gada. Mets-toi des balcons, on prend le haut du classement et on prend ta zarga. À minuit, l'heure des ennuis. J'fais la nuit, la nuit, j'fais la danse des bandits. La mise que standy, j'ai mis la petite veste en jean. Avec Magadji dans l'huracan, tout l'été vers Cannes. J'laisse 10 bouteilles sur la table, j'vais sur le 11, Bruncha. J'fais la nuit, la nuit, j'fais la danse des bandits. Bruncha. La mise que standy, j'ai mis la petite veste en jean. Elle a crushé sur le GTS, elle veut le dernier Birkin Hermès. Elle va me laisser en PLS, en promenade en t-shirt TLS. Ça rend dans Urus Venatus, on fait Hella sur le vide d'actu. Dans un 5 étoiles en bubu, ou dans un bar vers le parc Bellevue. Fais Belex, ça salue, pour un joint ou pour un parlu. La frappe à Yoda sous la lune, j'fume trop, je vois des allus. Là j'viens de planter le golf vite, ils m'ont sauté le malus. Cigare et un plateau d'huîtres, on dirait que j'suis à Honolulu. J'suis la nuit, la nuit, j'fais la danse des bandits. La mise que standy, j'ai mis la petite veste en jean. Avec Magadji dans l'huracan, tout l'été vers Cannes. J'laisse 10 bouteilles sur la table, j'vais sur le 11, Bruncha. J'suis la nuit, la nuit, j'fais la danse des bandits. Bruncha. La mise que standy, j'ai mis la petite veste en jean. Bruncha. Avec Magadji dans l'huracan, tout l'été vers Cannes. J'laisse 10 bouteilles sur la table, j'vais sur le 11, Bruncha. J'suis la nuit, la nuit, j'fais la danse des bandits. Bruncha. La mise que standy, j'ai mis la petite veste en jean. Bruncha. Avec Magadji dans l'huracan, tout l'été vers Cannes. J'laisse 10 bouteilles sur la table, j'vais sur le 11, Bruncha. Oui, ma gâté. RS4 Grinardo. Bien sûr qu'ils m'ont raté. Bien sûr. Soleil dans la bulle, sur le Prado. Shifter Pro. Contresens. Ma chérie, tu as contresens. Tout à où tu étais quand je mettais des 5 euros d'essence. Tu veux nous faire la guerre? Par un Dieu CB. Ça prend ton OG, ça prend ta gadget, ça prend ta CB. Le téléphone bip. Que tu prends la KO. C'est Marseille, bébé. Ça m'est rincé Dédé. Wesh alors ma race, tranquille ou quoi? Crème dans la chop, j'fais 0 à 100, 2 secondes 3. Guitarisé, oh, ACDC, oh. On se croit c'est sûr que j'ai tétanisé. J'ai passé la blague à Chiquita, 2 mois pris j'l'ai déjà quitté. T'es un petit bâtard, j'suis un abat, j'suis un déjà quitté. J'suis le capitaine, j'vais les décapiter. C'est pas la capitale, c'est Marseille bébé. 1-3 au G-Sport, j'passe la douane, les rapports. Nique ta mère sur la canne pierre, nique tes morts sur le vieux port. Miamol, c'est les quartiers sud, c'est les quartiers nord. Nique ta mère sur la canne pierre, nique tes morts sur le vieux port. J'suis la zone sans casse sur un scooter quitté. Oublie là, c'est une poutale t'a quitté. J'suis ailleurs, c'est de la moula que j'ai frité. Depuis tout à l'heure que ça me nique mon briquet. Rafale, flow, bazooka, oh. J'ai des potes qui se déplacent au chaos. La moto elle fait brem, brem, brem, brem. Tout sur la demande à Tico. J'suis dans le game en claquette sur bête. J'fuck les folles qui parlent de moi sur net. J'suis sous potion, là j'tire de 3 sur le bête. Au fait, on grimpe, on voit les zéros sur le check. Faut toquer pas ça. À la cabeza. Gratata. Pour les mapper ça. Faut toquer pas ça. À la cabeza. Gratata. Pour les mapper ça. Plus besoin d'aller chez Lacoste. Depuis que je fais d'oreille platine. Et sur Twitter, j'vois leur post. Nique leur mère, ce qui parle moi de la team. En bande organisée, personne peut nous canaliser. Dans la zone, ça fume la fusée. Pisté par les banalisés. Hasta luego, fais un. Hasta luego, fais un deux. Hasta luego. Hasta luego. C'est du 24 carats. J'rappe depuis les portes de Cara. La technique, le flow de malade. Artistiquement, on se balade. T-Max, casse Cara. Et recherché à Cash Mara. J'm'envoie une.

Vamos a la playa, sous filtré, j'suis sous baïda. Capucha, gamos, tente, dans la calle, la ruta. Soleil qui 4-7, qu'on fout l'op sur cette route. Hôtel ou pas pour sieste, j'attends comme une piñata. En vrai, j'm'entends. Tu ne te fais pas de toute façon. J't'en fais mes temps. J'ai jeté la voix et le mort à l'hameçon. C'est chaud dans le bar. Panne, j'ai la main dans le caleçon. Bamboo. Chopper.

انت اللي بيا وصبري معاك طال طال طال طال طال وقلبي دايب فيك ومعك نتمنى وصبري معاك طال طال طال طال طال وقلبي دايب فيك Muévelo. out of my mind your business. Hey, Mr. Policeman, I don't want no trouble. I just wanna drop my jiggle down to the floor. Hey, Mr. Policeman, why you wanna holler at me? I just wanna drop my jiggle down to the floor. No arrest but my mind your business. No arrest but my mind your business. Policeman, what? I don't want no trouble. Hey. I just wanna drop my jiggle down to the floor. Hey, Mr. Policeman, hey. Why you wanna holler at me? I just wanna drop my jiggle down to the floor. No arrest, but my mind your business. No arrest, but my mind your business. No arrest, but my mind your business. Down to the floor. Dans le mix de Ludovic. Send me in ya. please don't stop the music. Foundation, yeah. Drinking my new salvation. baby, you won't break my soul. You won't break my soul. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just

Vous êtes plongé dans le mix de Ludovic. I see you, baby.